une histoire particulière. C'est une photo qui a fait le tour du monde, vous l'avez forcément vue. 2015, au cœur de Damas, dans les décombres d'une rue, il est assis. Le dos un peu courbé, mais la tête est fière et le port altier. Il est assis devant un piano, au milieu de la poussière des ruines. Le pianiste de Yarmouk. Il joue pour son peuple, il joue pour survivre. Il joue parce qu'il sait que la musique rapproche les hommes. Aujourd'hui, une histoire particulière donne la parole aux instruments de musique. Ceux qui furent abandonnés, abîmés, volés, spoliés. Ceux qui furent séparés de leurs propriétaires par la force. Hélène Bigot et Alexandra Malka nous racontent l'histoire des pianos, ceux de 1945. Après tout, du piano de Yarmouk, seuls 70 ans les séparent. Alors au début de 1942, les Alliés bombardent de façon assidue les villes allemandes. Annette Vivorka, historienne. Et comme pour les nazis, tout ce qui arrive est la faute des Juifs, ils estiment que les Juifs sont responsables des bombardements alliés sur leurs villes. Comme ils sont responsables, ils doivent payer. Et leur mobilier doit être saisi pour être transféré en Allemagne et être distribué aux victimes des bombardements allemands. C'est la raison que les nazis donnent à cette Aktion, hein, cette action qu'ils appellent la Möbelaktion, l'action meuble, et qu'ils déclenchent pour les trois pays qui ont à peu près le même régime d'occupation, qui sont les Pays-Bas, la Belgique et la France. Tous les Juifs sont susceptibles d'être victimes de ce pillage systématique. Alors ça se présente de la façon suivante. Quand des Juifs quittent leurs appartements, soit parce qu'ils se cachent ailleurs, en zone sud par exemple, soit parce qu'ils ont été arrêtés et qu'ils sont en camp d'internement ou qu'ils sont déportés. On met les scellés sur les appartements, donc plus personne ne peut rentrer dans ces appartements. On réquisitionne des camions de déménagement et on jette pratiquement en vrac dans ces camions tout ce qu'il y a à l'intérieur des appartements. C'est un pillage radical parce qu'ils vident tout, y compris les prises de courant, y compris les manteaux de cheminée. Le pillage et la spoliation, ils ont été traités exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a pillé tout à la fois les appartements, quand ils étaient vides, des Juifs qui habitaient ce qu'on appelait les beaux quartiers, hein, le 7e, le 16e, c'est-à-dire de la bourgeoisie israélite, que ceux des petits juifs, c'est pas méprisant hein, dans ma bouche, c'est-à-dire du petit tailleur qui travaillait tout seul avec sa machine à coudre, ou du chiffonnier, hein, on va dire brocanteur, c'est un autre niveau, ou du brocanteur. Donc tout le monde a été exactement à la même enseigne. Et il est sûr que si vous avez des pianos à queue, ils n'étaient pas dans les taudis de Belleville, hein, c'était plutôt les pianos des beaux quartiers. Donc il n'y a pas eu, du point de vue de la couche sociale, du point de vue de la nationalité, du point de vue de l'ancienneté de l'enracinement en France, de différence dans le pillage. Tout le monde, tous les appartements ont été pillés, et c'est le cas pour les bibliothèques, pour les livres, c'est le cas pour les instruments de musique, à quelques exceptions près, c'est le cas pour les tableaux qui n'ont pas été pris dans les musées. Ça laisse pas de traces. Le pillage, il a un caractère sauvage. Alors que la spoliation, l'aryanisation, c'est un vol légal. C'est le grand juriste Léon Kahn qui avait appelé ça un vol légal. C'est-à-dire un vol qui se fait à partir d'une législation qui laisse donc des traces dans les archives. L'histoire commence durant les chaudes journées d'été 1944. Le 25 août, Paris est en liesse. La ville est libérée. Les troupes ennemies ont quitté la capitale en hâte, abandonnant derrière elles de nombreux appartements, hôtels et institutions qu'elles avaient réquisitionnés. La fin de la guerre est proche. Dans les sous-sols du palais de Tokyo, on découvre 1200 pianos abandonnés par les nazis. La fin de la guerre les avait laissés là, silencieux, attendant leur pianiste. Certains d'entre eux reviendront, d'autres jamais. Les pianos orphelins. Aujourd'hui, le piano du juif inconnu, par Hélène Bigot et Alexandra Malka. Nous sommes rue du Faubourg Saint-Martin, presque en face de la mairie du 10e arrondissement. Jean-Marc Dreyfus, historien. Devant ce bel immeuble à l'architecture industrielle, et on voit sur la façade la mention d'origine aux classes laborieuses. Au début des années 30, cet immeuble a été racheté par un entrepreneur qui est devenu très célèbre, il s'appelait Wolf Lévitan. Alors dans ce grand magasin, à partir de juillet 43, il était fermé. Il a été réquisitionné par un service allemand et il a été transformé d'une part en dépôt de meubles et objets spoliés dans les appartements de Paris et de la région parisienne et d'autre part en camp d'internement à partir de juillet 1943. Donc arrivé dans ce dépôt, absolument tous les objets pris dans les appartements où habitaient des juifs, mais qui étaient vides de leurs habitants. Cette opération a été absolument massive. Elle a touché à Paris 40 000 appartements. Ces millions d'objets doivent être triés avant d'être acheminés vers l'Allemagne. Mais la Dienststelle Westen, un service dédié spécialement à l'organisation de ce pillage, manque alors d'effectifs. Or, à l'été 1943, dans le camp de Drancy, les Juifs classés comme conjoints d'Ariens, demi ou quart de Juifs, sont temporairement exemptés de déportation. Ce sont eux que l'on emploie de force à ce tri et que l'on interne secrètement dans trois camps dissimulés au cœur de Paris. Dans les magasins généraux du 43 quai de la Gare, près d'Austerlitz, dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, aux deux rues de Bassano, et dans les anciens magasins Lévitan, rue du Faubourg Saint-Martin. Et donc, dans les appartements, tout était pris. On mettait dans des caisses avec de la paille, depuis les casseroles trouées, la machine à coudre, bien sûr, des ateliers de tailleurs juifs. On prenait les cahiers d'écoliers, les brouillons, les papiers déchirés, les chiffons, les vêtements, bien sûr, les jouets des enfants. On dévissait les ampoules, on prenait les rideaux et parfois on dévissait même les poignées de porte. Et naturellement, les œuvres d'art et les instruments de musique qui se trouvaient. Absolument tout. Donc il ne restait rien. C'était la razzia absolument méticuleuse et absolue. Et donc ces caisses remplies de paille avec tous les objets comme ça placés dedans arrivent dans 6 dépôts parisiens. Les objets sont triés de façon extrêmement méthodique. Donc on a des ateliers qui vont trier. Alors il y a la vaisselle d'un côté, les chiffons à récupérer, les vêtements naturellement. Les papiers personnels, les photos sont mis de côté pour être brûlés. Et puis les instruments de musique, les œuvres d'art sont mis dans un coin. Et là il y a un autre organisme qui organise, donc c'est le fameux ERR. L'ERR dépend du parti nazi. L'ERR a un droit de préemption très clair sur tous les objets culturels. Et au sein de l'ERR, il y avait ce Sonderstab Musik, donc ce commando spécial chargé de la musique, qui passait dans les différents dépôts et qui récupérait ce qui était jugé utile. Hein. Ce n'était pas systématique, mais enfin en particulier les instruments de musique, aussi les partitions, quand elles étaient rares, quand elles étaient anciennes, quand elles avaient de la valeur. Et donc se servaient pour différents usages internes à l'ERR. Let's say 1933, when Hitler came to power. En 1933, lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, à partir de ce moment-là, débute une chasse à l'art, à la littérature et aux œuvres d'art détenues par les Juifs, mais aussi par les francs-maçons et les Noirs. Wilhelm de Vries, musicologue. L'idéologue Alfred Rosenberg avait déjà commencé à écrire en 1937 ce qu'allait devenir le sort des Juifs. Et lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, ils ont mis sur pied une très vaste administration nommée l'ERR, avec différents départements, un département pour l'art, un département pour la littérature, un département pour la musique. Et tous ces départements avaient pour but de nettoyer l'Allemagne de toutes ces mauvaises influences, comme la musique jazz, la musique de Millau, la musique de Mahler, parce qu'ils étaient juifs. Pour les nazis, la seule bonne musique classique était Beethoven, Schumann, Schubert, Brahms et Wagner, mais pas Mahler. Parce qu'il était juif. Donc, de 1933 à 1940, ils ont créé une énorme administration pour garder un œil sur tous ceux dont ils ne voulaient pas dans le pays. Le chef du commando de musique en Allemagne, Herbert Gericht, avait rédigé un horrible dictionnaire nommé le Dictionnaire des Juifs dans la musique. Et dans ce dictionnaire, il avait répertorié tous les Juifs qui étaient impliqués dans la musique, avec leur date de naissance et leur adresse. Donc, quand ils ont envahi Paris, ils pouvaient ouvrir ce dictionnaire et voir qui vivait en France et dire « Très bien, il y a Darius Milhaud ici, et aussi Wanda Landowska, et là on a aussi le nom de Grégor Piatigorsky, un violoncelliste connu. » Donc, c'était facile pour eux de confisquer les grandes collections d'artistes. Par exemple, Wanda Landowska, une grande claveciniste qui habitait à Saint-Leu-la-Forêt. Tous ses biens ont été emportés dans 44 caisses en bois qui contenaient ses clavecins, sa harpe et une immense collection de livres. Mais le vol des autres instruments de musique, par exemple ceux des familles, a commencé plus tard, en 1942. Avec une obsession pour les pianos, donc il y a des milliers de pianos qui vont être vidés dans les appartements juifs et qui, eux, vont être envoyés dans un des dépôts précisément, qui est le dépôt, qui est le palais de Tokyo. Alors, pas vraiment dans le palais de Tokyo, mais dans l'un des nombreux sous-sols du palais de Tokyo. Et on sait que l'entrée se faisait par, alors là encore, le souci de discrétion, cette petite rue. On rentre directement dans les sous-sols, c'est la rue de la Manutention. Et on a des photos, on voit très bien un piano droit qui sort d'un camion de déménagement, français bien sûr. Et puis on voit des pianos demi-queue à queue sont démontés, sont mis sur la tranche. On a démonté les pieds pour être transportés naturellement vers l'Est. They went into each and every department, made a list of the inventory, very carefully. Ils venaient dans chaque appartement, dressaient un inventaire très minutieusement et ensuite ils appelaient les fonctionnaires du Sonderstab Musik pour leur dire « Vous pouvez venir au 29 avenue je ne sais quoi parce qu'on a trouvé un piano à queue et deux beaux violons. » Et donc, le Sonderstab Musik avait juste à attendre un coup de téléphone pour venir voir quel instrument il y avait à prendre dans telle avenue ou telle rue où l'on venait de déporter des habitants. Il faisait la même chose pour les tableaux et d'autres objets de valeur comme les bibliothèques. Et parfois, même les voisins se servaient. Il est là, papa. Papa. Mon père. Écoute. Vous faites quoi chez moi? Justement, c'est plus chez toi ici. Et les Allemands? C'est des amis de Pierre-Jean, tu sais, mon futur Jean. Tu peux pas rester là. Maintenant, c'est chez moi. J'ai les papiers, tout ça, c'est légal. Je suis désolé, mais il faut que tu t'en ailles. J'ai mes affaires dans ma chambre. Mes livres, mon violon. Y'a plus rien, tout est parti. Où? Je sais pas. Quand on vous a emmené, les SS sont venus, ils ont tout saisi. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est pas moi qui fais les lois. C'est comment déjà ton petit nom? Simon. Écoute, je suis désolé Simon, mais si on te trouve ici, je vais avoir des ennuis et toi aussi. Des milliers de caisses remplies d'instruments, de partitions, de gramophones sont emmenées vers l'Est. Les pianos, eux, transitent par les sous-sols du palais de Tokyo, réquisitionnés à cet effet par l'occupant. Bientôt, ils en emplissent l'espace et partent par wagons entiers pour l'Allemagne. Des photographies anonymes de ce pillage ont été prises par l'occupant. Sur deux d'entre elles, on y voit les pianos à queue posés sur la tranche et des pianos droits entreposés à la hâte à côté de statues. Cette photographie, elle est très intéressante aussi. Benjamin Fellmann, historien de l'art. Parce qu'elle relate cette situation du stockage des pianos à côté des œuvres. C'est cette situation qui a toujours été évoquée par le personnel du musée dans des notes de protestation envoyées aux autorités occupantes, où il évoque la situation de l'encombrement du fonctionnement du dépôt des œuvres, du fonctionnement du musée au quotidien, mais bien sûr, notamment aussi l'encombrement de la fluctuation entre les deux ailes du bâtiment, l'aile de la ville et l'aile de l'État. Les allées et venues de camionneurs auxquels il n'est pas toujours possible d'interdire de fumer sont constantes. La porte de communication entre le musée de l'État et celui de la ville de Paris, qui, d'après les prescriptions consignées par le service des pompiers, doit demeurer ouverte, menace d'être tenue rigoureusement fermée. En conséquence, la sécurité du musée national d'art moderne se trouvant compromise par suite du développement pris par le dépôt des pianos, je vous serai obligé de vouloir bien faire prendre les mesures nécessaires pour que les conventions qui limitaient les emplacements soient à nouveau respectées. L'histoire de ces pianos volés a également ému l'artiste Laetitia Badeau-Haussmann. En 2010, elle organise une performance restée secrète en amont d'une exposition. Dans le sous-sol du palais de Tokyo, elle invite un pianiste à interpréter le morceau « Musica ricercata » du compositeur juif Gheorghi Ligeti. Le sous-sol en friche et les battements d'ailes des oiseaux qui l'habitent dégagent une ambiance très étrange. Le son est diffusé dans l'exposition sans être localisable, comme si les murs du musée transpiraient cette histoire. L'histoire de ces pianistes juifs, pillés, persécutés, auxquels on rend hommage. Où arrivent ces milliers d'instruments de musique ? Alors, puisqu'en avril 1942, il y a le premier bombardement massif, c'est-à-dire tapis de bombe sur une ville allemande, et c'est sur la ville de Cologne. Il y a des milliers et des milliers de sinistrés. Et on va dire, on va envoyer le mobilier, meubles, etc., et instruments de musique aux sinistrés allemands. Et on a des listes très précises, par train, par convoi, du nombre de trains qui arrivent dans chaque ville après un bombardement. De cette gigantesque opération de pillage, il y en a une grande partie qui va être en fait détournée de l'usage normal qui est donc les bombardés qui n'ont plus rien et puis les cadres du parti qui doivent apprendre à se cultiver et ça va être distribué simplement aux gens qui sont à la bonne place. Alors il y a la Wehrmacht qui va récupérer un petit peu, l'armée allemande. Il y a des pianos qui sont arrivés jusque dans les sous-marins, donc ça c'est tout à fait incroyable. Il y a l'exemple d'un sous-marin, ils ont un piano droit pour se distraire sous l'eau. Vraiment, pensez qu'on est dans une économie absolument corrompue, de haut en bas. Alors, par exemple, là, dans l'immeuble qu'on voit toujours, jour après jour, 12 heures de travail par jour, ils voyaient passer ces objets, ils ont essayé de saboter. Alors, comment saboter ? Ben, juste au dernier moment, quand il fallait embarquer les pianos, de casser la table d'harmonie, on l'a fêlé en tout cas, parce qu'il fallait, c'était très dangereux, c'était faire du sabotage. Et on a quelques témoignages de gens qui disaient « Mais on reçoit des objets qui sont cassés, qui sont endommagés, et des instruments de musique aussi endommagés. » Donc je pense qu'un certain nombre de pianos sont partis effectivement en Allemagne, mais à la libération de Paris, il en restait quand même un certain nombre au palais de Tokyo. Et d'ailleurs, il y a des photos de ces expositions de pianos. Ce qui est très intéressant, c'est que ça donne aussi une idée de ce qu'était la culture dans ces familles juives. C'est-à-dire que même quand elles étaient excessivement modestes, il y avait très souvent un enseignement de musique. Donc l'idée que la culture était quelque chose d'important. ma famille maternelle, hein, pour raconter une histoire personnelle, qui habitait au 67 rue Rochechouart. Ils ont quitté leur appartement, qui est un très grand appartement locatif, hein, où mon grand-père, qui était tailleur, travaillait. Donc ils ont quitté leur appartement après la rafle du 16 juillet 1942, où ils se sont cachés. Quand ils sont rentrés, l'appartement était vide. Il n'y avait plus rien. Et notamment, plus une photo. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun document et plus aucune photo de ce qu'a été la vie de cette famille avant juillet 1942. Chacun d'entre nous peut quand même constater que la mémoire, elle s'attache à des objets, à des photos, à des objets ou à des lieux. On pense aux personnes en regardant une photo ou en se rappelant que tel ou tel objet, là je regarde le vase qui est devant moi, c'est un vase qui me vient de ma tante, et je pense à ma tante, et du coup quelque chose de sa vie me revient. Donc c'est comme ça que fonctionne la mémoire. Les arts de la mémoire qui existaient dans l'Antiquité étaient des arts où on demandait aux gens de se rappeler des lieux. Donc à partir du moment où vous rentrez, vous n'avez plus rien, c'est pas simplement vos biens qui sont attaqués, les photos n'ont strictement aucune valeur marchande, mais c'est la mémoire qui est éradiquée, puisque vous n'avez plus rien qui vous permet de vous souvenir de qui était qui. Il y a des générations qui n'ont jamais vu des photos de leurs parents petits, alors qu'on sait très bien comment les enfants aiment bien qu'on leur parle de la période où soi-même on était petit, et les petits-enfants aussi. Donc c'est un mémocide dans la mesure où tout a été pillé et où ça voulait dire qu'on éradiquait en fait la présence des Juifs dans la ville. Et je pense qu'il y avait quand même l'idée qu'ils ne reviendraient pas. Après la guerre, des centaines de pianos réapparaissent. On en trouve dans les appartements et dans les grands hôtels réquisitionnés par l'occupant, comme le Meurice ou le Crillon. Par voie de presse, un service de restitution des biens spoliés invite les victimes du pillage à venir reconnaître leurs pianos dans les sous-sols du palais de Tokyo, au palmarium du jardin d'acclimatation et à la foire de Paris, porte de Versailles, où ils sont exposés. Alors donc c'est un demi-queue Erhard, donc c'est un piano qui fait je sais pas 2,50 m, dont le numéro de série, même je peux vous dire le numéro de série, c'est 83 438. Ça c'est quand ils l'ont fabriqué en 1902. Vincent Lunel. Monsieur Ernest Barr l'a acheté, il habitait dans le 16e et c'est la seule personne dont l'identité, que je connaisse l'identité de ce piano. Et comment voilà. Est-ce que vous avez fait pour trouver l'identité? Parce qu'en fait, Erhard a mis sur, par le site de la Cité de la Musique, a mis tous les bons de commande et toutes les réparations qui ont été effectuées sur leur piano jusqu'à ce que, dans la période où ils ont commencé, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Donc effectivement, en recherchant dans les listes par le numéro, c'est assez compliqué parce que c'est pas très bien, super bien rangé, mais à la fin j'ai quand même trouvé le monsieur Ernest Barr qui avait acheté ce piano en 1902. Donc voilà, c'est un beau piano. Bah, l'histoire, c'est que c'est par rapport au piano, c'est que c'est un piano cadre métallique droit. C'est-à-dire que d'habitude, les cordes des pianos, si vous regardez, c'est croisé. Les aigus et les graves se passent l'une au-dessus de l'autre, alors que là, il est droit. Voilà, c'est une particularité, ce piano. Et tu sais qu'il était accordé cet après-midi. Merveille. Exprès pour Vincent. Hein. Georges, le grand-oncle de Vincent, était pianiste. À la Libération, il a lui aussi été convié à venir reconnaître son piano parmi ceux qui avaient été retrouvés. On est là devant dans le piano au lycée Beaugrenelle. Et quand moi j'ai amené le piano, quand la première fois que je suis venu, j'ai dit « Mais est-ce que les enfants, enfin les étudiants, les collégiens pourront jouer dessus ?» Mais on m'a dit que c'était un peu délicat parce que c'était un vieux piano et que c'était pas un piano d'études. Et que il a déjà plus d'une centaine d'années, et que en fait les pianos d'études sont des pianos où il faut jouer fort, vite, enfin qui sont des pianos je dirais pas qu'on maltraite, mais qu'on s'entraîne dessus beaucoup d'heures et que lui, étant un vieux monsieur honorable, il n'aurait pas résisté à ça. Donc là, pour l'instant, il est juste pour l'ARIA de Paris qui fait la répétition tous les lundis soirs avec. L'histoire, ce piano, c'est le piano de mon grand-oncle. Donc c'est le frère de ma grand-mère. Ils habitaient à Paris, rue de Dunkerque. Et pendant la guerre, ils ont été obligés de partir à Bordeaux et après se cacher à Carpentras. Quand ils sont revenus, ils ont retrouvé leur appartement, mais qui avait été vidé. Comme beaucoup d'appartements des Juifs à cette époque-là, ils avaient été vidés. Voilà. Et donc, à un moment, mon oncle avait un piano avant la guerre. Et donc, il y a eu le fonds d'aide aux Juifs, spécialement pour les instruments de musique. Et donc, il a été voir cet endroit où il y avait, je ne sais pas, peut-être 200 ou 300 pianos qui étaient stockés là. Les gens qui avaient un piano pouvaient venir chercher leur piano. Donc mon oncle y a été, je pense qu'il a fait une demande, mais je n'ai pas retrouvé les papiers, mais un jour je trouverai peut-être, il a fait une demande, il va là-bas, et l'histoire qu'il a racontée dans la famille, c'est qu'il voit ce très beau piano, donc ce demi-queue Erhard, alors que lui il n'avait pas un piano terrible, et il dit c'est le mien. Il y avait quelque chose, comme si c'était une compensation de ce qu'ils avaient perdu, donc ils s'étaient rattrapés comme ça, c'est un peu l'idée. Et donc ce piano est arrivé comme ça dans la famille. Et une fois que mes parents sont partis, ben c'est moi qui récupérais le piano parce qu'en fait, il n'y a que moi qui jouais dessus. J'aime bien ce piano, c'est que il est rentré dans mon oreille et bon, il ne ressort plus, quoi. Enfin, et une fois que j'avais plus la place, moi non plus, de le garder, j'ai proposé de le prêter à qui avait la place et qui voulait s'en occuper. Pourquoi ? Parce que vous ne pouviez pas vous en débarrasser, c'était trop... Parce que j'avais pas envie de m'en débarrasser du tout, et j'ai toujours pas envie de m'en débarrasser, en fait. Et puis, voilà, donc ce piano, il a fait... il a été chez des amis pas très loin de chez moi, après il est parti vers Montagelier, une professeure de chant, après il est revenu, il est reparti chez ma sœur, après il est arrivé ici, dans cette salle de restauration d'un lycée. C'est pas un devoir pressant, mais c'est une chose que j'apprécie, voilà, de dire qu'il a 116 ans. C'est un vieux monsieur, et en même temps, voilà. Pour moi, il y a toute une vie avec ce piano-là. Pour moi, c'est le piano du juif inconnu. Les pianos orphelins. Épisode 1, le piano du juif inconnu. Avec Annette Vivorka, Jean-Marc Dreyfus, Willem De Vries, Benjamin Fellman, Vincent Lunel et le chœur de l'Aria de Paris, avec la voix de Loïc Urcastagno. Extrait du film Monsieur Batignol de Gérard Jugnot. Coordination Christine Bernard. Prise de son Loïc Duros. Mixage, Catherine Dérété. Un documentaire d'Hélène Bigot, réalisé par Alexandra Malka.